humble et effacé. Tu accompagnes les gens dans leurs épreuves, leur donnant la voie de vie éternelle. Tu aimes vraiment l'homme comme ta propre chair, ton sang, et tu es digne de leur amour. Tu préférerais souffrir toi-même, permettant à l'homme d'en bénéficier. Tu fais pleuvoir la vie sur eux. Ton cœur est vraiment magnifique. Tu es si juste et digne de la louange de l'homme. Tes paroles me conquièrent, ton jugement. Joute la douceur, très conscient que l'homme est faible, tu peux compatir avec eux. Comment l'homme pourrait-il t'oublier? Tu vis avec les gens, les guides en personne. Seul peut me sauver, toi seul peux me rendre.